Je passe donc la parole à Paul Anthelme Adem, difficile aussi à présenter en ces lieux. Donc doctorant à l'IRERP, à l'université donc Paris-Ouest Nanterre à Défense, spécialiste de droit social, qu'il pratique également sous d'autres formes, ainsi que le droit administratif, dans diverses activités de défense des droits des doctorants. Et je lui passe donc la parole pour qu'il nous parle des normes juridiques de régulation des dépenses de santé. Non, merci Thomas, merci Katerina de m'avoir invité. Je trouve que l'échange entre juriste et philosophe gagnerait à être encore développé, parce que je grogne souvent contre des étudiants qui ont un peu de mal, parce qu'on ne les aide pas à ça, à articuler leur raisonnement, même jusqu'en master. Et je pense que les philosophes ont cet art-là de l'articulation du raisonnement. Donc, indubitablement. Voilà. Donc, au regard du thème de ce colloque, il me semble que la question a déjà été abordée. Le rapport entre le droit et les institutions se pose essentiellement sous l'angle du rapport étroit qu'un observateur du droit va établir entre l'énoncé juridique et la réalité sociale. Et alors, si je repars d'une définition de la norme juridique très positiviste, comme étant la signification d'un énoncé prescriptif, alors cette formulation-là suppose qu'il existe des éléments matériels extérieurs à la norme que l'on va chercher par le moyen de celle du droit à maîtriser. Et il me semble que c'est cela qu'on cherche à identifier quand on parle de régulation, cette action de la norme sur cette tentative de maîtrise du réel par le droit. Alors, ces dernières années, j'ai porté beaucoup d'attention au droit de la santé et de la protection sociale. Et il y a une question qui est très récurrente dans ce domaine, qui est de savoir quels instruments juridiques on va concevoir pour maîtriser l'évolution des dépenses de santé et à travers ces dépenses, maîtriser le déficit comptable de l'assurance maladie. Et donc, cette problématique a été reprise dans de nombreux rapports et discours gouvernementaux et aussi des exposés des motifs de loi. Et par rapport à cette problématique, on a avancé des réponses normatives. Et alors, ces réponses-là, je voudrais vous en présenter deux. Bon, je choisis pas tout à fait au hasard, mais il y en a d'autres encore. Et il me semble que ces règles se caractérisent par précisément l'idée qu'il y a peut-être dans leur formulation une apparence d'absence de règles formulées. Et quand je dis règles formulées, c'est je traite de la règle comme une attente de comportement des individus. Et il me semble que ces règles-là ne formulent pas explicitement cette attente de comportement spécifique des individus, et c'est peut-être ça qui les caractérise par rapport aux normes juridiques peut-être antérieurement observées. Et donc, il me semble que donc ces règles vont chercher à orienter les comportements sans tout à fait les contraindre. Et donc on va voir un petit peu de quelle manière elles peuvent agir dans ce sens. Et alors, ce faisant, en fait, on constate qu'au regard de la définition classique de la norme juridique, elles viennent à brouiller un peu les cartes du rapport entre le droit et les faits. Donc je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sera le mécanisme de définition par la loi d'un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Je vais voir en quoi il est spécifique. Et puis, dans un deuxième temps, je vais développer un deuxième dispositif qu'on appelle le système de tarification à l'activité des établissements hospitaliers. Et dans ce cadre-là, on retrouvera certainement beaucoup d'éléments présentés par Régis Lanneau tout à l'heure. Certainement, on va peut-être rechercher ensemble tout à l'heure quelles sont les théories économiques qui préexistent peut-être à cette réforme. Et alors évidemment, si je parle de ces éléments-là, c'est que je pense que mes remarques sont éventuellement transposables à d'autres domaines, et qu'elles permettent peut-être de mieux cerner ce qu'on entend généralement par régulation par le droit. Donc premier dispositif, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, et que j'intitule comme étant la formulation des finalités par un énoncé juridique. Donc cet objectif national, qui est formulé par la loi, formule des prévisions de dépenses. Et alors, cette prévision correspond à une évocation comptable détaillée de tous les postes possibles de dépenses d'assurance maladie. Et la finalité, évidemment, de cet objectif, c'est de faire correspondre les résultats comptables de l'année suivante avec les objectifs initialement définis. Le problème posé par l'application de ces règles, de cette norme plutôt, c'est que depuis 1996, c'est-à-dire au moment de sa création, on considère qu'elle n'a jamais eu d'effet réussi, c'est-à-dire qu'à une seule reprise depuis 1996 et l'année dernière, il y a eu correspondance entre le résultat comptable et puis les objectifs prévus. Donc on peut tout à fait discuter sur l'efficacité de cette norme et rechercher les causes particulières des échecs sur le plan psychologique et politique, mais ce n'est pas tout à fait ma perspective en raison de limites épistémologiques de mes travaux. Moi, au regard de ma pratique de description du droit en vigueur dans la matière de santé et protection sociale, il me semble qu'il m'est impossible de passer sous silence une tension entre cet objectif national par rapport à un autre énoncé juridique que l'on appelle la liberté de prescription du médecin. Et je pense qu'il y a dans cette tension-là une vraie clé de compréhension de l'ensemble du domaine du droit de la santé, et qu'en même temps, on peut y voir quelque chose de plus large comme mouvement des politiques publiques. Alors, quelle est cette contradiction, cette tension? D'un côté, il y a les principes déontologiques fondamentaux de la médecine, consacrés par le Code de la Sécurité sociale, article L162.2, et parmi ces principes, on a la liberté de prescription des médecins. Alors, ce principe implique que les médecins ne peuvent se voir commander par aucune autorité, qu'elle soit publique ou privée, par rapport à la prescription qu'ils vont adresser à leurs patients. Et donc, il y a cette idée en droit de la santé en France que le colloque singulier, ce qu'on appelle le colloque singulier entre un médecin et son patient, doit être refermé sur lui-même, parce que le patient ne sera pris en compte dans sa totalité que si le médecin évalue la situation de façon la plus objective possible par rapport à ses connaissances en matière de santé. Et d'un autre côté, il y a cet objectif national. Et cet objectif national implique que au niveau national, il doit bien y avoir un élément de détermination des prescriptions médicales qui tendent vers la réalisation de cet objectif. Et donc, on peut dire qu'il y a une forme de contradiction. Bien sûr, on peut dire que aussi, que par l'interprétation, on va concilier ces deux énoncés contradictoires. Mais c'est pas tout à fait sur cet aspect que je voulais attirer votre attention. Ce que je voulais présenter, ce que je veux présenter, c'est qu'on ne peut pas tout à fait mettre ces deux normes juridiques qui sont en tension sur le même plan au regard de leur modalité de réalisation concrète. Alors le principe de liberté de prescription, on peut dire qu'il a une application, une modalité d'application jurisprudentielle, juridictionnelle, contentieuse. Et donc, ça évoque des hypothèses où le médecin, dont la responsabilité est engagée vis-à-vis de son patient, va répondre qu'il n'a pas commis d'erreur parce que, au regard de sa liberté de prescription, les éléments dont il disposait faisaient que sa décision était justifiée au regard de la déontologie médicale, et donc il n'a pas commis de faute véritable puisque il ne pouvait pas faire davantage. Et donc, on voit que c'est dans un cadre juridictionnel contentieux que s'applique, s'articule cette liberté de prescription. Alors, pour l'observateur juriste, ça implique que pour saisir la norme, l'énoncé qui porte cette liberté de prescription, on va observer essentiellement l'évolution jurisprudentielle, les décisions à la Cour de cassation du Conseil d'État pour rendre compte de l'état du droit positif. Donc par exemple, on va considérer que la dangerosité des médicaments fait partie d'une actualité brûlante du droit de la santé, et on va examiner les questions de responsabilité des médecins, des laboratoires, etc. Mais pour le cas de la norme juridique d'objectif national des dépenses, on ne peut pas parler d'observation véritablement juridictionnelle. Il y a déjà un premier obstacle à ça, c'est qu'il ne s'agit qu'à d'un objectif, et il ne s'agit pas d'une obligation légale. Donc, de ce point de vue-là, il est très difficile de considérer qu'on va engager des responsabilités, qu'elles soient des médecins ou des pouvoirs publics, parce que l'objectif n'aura pas été réalisé, parce qu'il ne s'agissait que d'un objectif. Pourquoi sanctionner en cas de réalisation ? Mais surtout, il faut considérer le fait que c'est tout de même une norme juridique, et que donc on est quand même bien obligé de considérer qu'il y a bien des effets juridiques à cet objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il y a des effets juridiques, mais pour autant pas de manifestation juridictionnelle. La règle ne s'applique pas, mais elle se réalise concrètement dans certaines normes de rang inférieur dans l'ensemble de la gestion de l'assurance maladie. Et alors, comment cela se passe ? Il s'agit de sous-objectifs formulés par cet objectif. Ces sous-objectifs évoquent des domaines particuliers du système de santé, par exemple les soins de ville d'un côté, et puis de l'autre les établissements de santé. Et en fonction de ces sous-objectifs, les autorités administratives et d'assurance maladie vont organiser des mesures de réalisation concrètes. Par exemple, on va faire en sorte de définir des tarifs des actes médicaux et des produits de santé en fonction de ces objectifs. Le cas échéant, on peut aussi prévoir de financer certaines campagnes publicitaires contre le tabac ou quoi d'autre. Et donc ces mesures de concrétisation, on peut dire, elles se feront tantôt par la voie de décision administrative et tantôt par la voie de négociation avec des fabricants ou les organisations de professionnels de santé ou aussi les établissements de soins. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'application contentieuse par la jurisprudence de cette norme juridique-là, mais pour autant, elle détermine tout aussi radicalement la prise en charge des patients par le système de santé. Donc par exemple, si on discute de l'hypothèse d'un hôpital, un hôpital local dont on supprimerait un service de chirurgie, et qu'on externaliserait peut-être dans un autre établissement plus grand à quelques kilomètres, eh bien dans ce cas-là, il y a bien des conséquences très concrètes pour les individus. Il se passe quelque chose dans la réalité, mais pour autant, pas véritablement d'application observable pour le juriste en termes de jurisprudence. Et donc, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a bien des modalités de réalisation concrète des normes juridiques que le juriste peut observer et peut mettre en avant, sans pour autant clore la question de savoir quelles sont les conséquences de la norme juridique sur le réel. C'est-à-dire que, bien sûr, la science politique, la sociologie et la philosophie aussi peuvent avoir un certain nombre de descriptions sur quelle est la conséquence de la norme juridique. Mais en amont de cela, peut-être que les juristes doivent porter attention un peu plus qu'il me semble qu'ils le font actuellement sur les règles procédurales qui visent à concrétiser la norme qu'ils énoncent. Et ce faisant, je pense que le droit de la régulation s'inscrit dans cette observation des modes de réalisation du droit. Et alors, ce qui est spécifique dans cet objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est que précisément, il énonce sa propre finalité. C'est un énoncé qui nous dit je vais faire en sorte que le système de santé corresponde d'un point de vue comptable à mon objectif. Et ça, ça n'est pas le propre de toutes les normes juridiques. Je crois que ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Toutes les normes juridiques ne mentionnent pas une finalité spécifique. Et rien qu'en cela, je pense qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une trace de quelque chose qui fait que cette norme-là peut être analysée de façon un petit peu différente du reste des normes. Et peut-être qu'on peut parler d'un type de norme juridique de régulation. C'est pour ça que j'utiliserai ce terme-là. Et alors, ce mécanisme de finalité, je pense qu'on peut le distinguer de l'interprétation téléologique des normes. C'est-à-dire, toute norme juridique, on peut lui appliquer une méthode d'interprétation qui consiste à dire que cette norme a un objectif et qu'en fonction de cet objectif, ça va éclairer une modalité d'application de la norme. Et ce sera le cas pour la liberté de prescription, on pourra dire, il y a... cette liberté de prescription doit être lue au regard de l'exigence de réalisation de la qualité du soin parce que le médecin doit envisager tout seul le cas de son patient. Mais ça ne revient pas tout à fait, et même à mon sens pas du tout, à identifier cette finalité qui est formulée dans l'énoncé. Parce que on peut tout à fait parler de cette finalité qui est énoncée tout en ajoutant encore des objectifs en termes théologiques d'interprétation. On peut interpréter cet objectif national d'assurance maladie en lui donnant un sens téléologique qui va au-delà de sa finalité qui est formulée. Et donc je pense qu'on doit avoir peut-être deux niveaux d'analyse. L'un, prendre en compte cette tentative de la norme juridique de formuler sa finalité, puis l'autre, peut-être de réfléchir par ailleurs, comme les théories de l'interprétation font, sur les objectifs non formulés des règles juridiques. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais soulever, cette adjonction de finalité à la norme juridique. Deuxième exemple, la tarification à l'activité. Et là, je parlerai de régulation des dépenses de santé par une mise en ordre juridique du réel. Alors cette technique de régulation qu'on appelle tarification à l'activité des établissements hospitaliers, bon, il s'agit d'un système de comptabilité économique et médicale. Bon, elle est actuellement mise en place et elle doit être complètement mise en place à partir de mars 2013 dans tous les hôpitaux, même les hôpitaux locaux. Alors, pour vraiment comprendre quelle est la logique de cette réforme, il faut peut-être repasser par l'état antérieur du droit en ce domaine et juste brièvement exposer comment auparavant étaient financés les établissements hospitaliers, comment on calculait la façon de les financer. Alors il s'agissait d'une, ce qu'on appelait une dotation globale. Et donc chaque année, l'administration évaluait, l'activité d'un établissement. Et chaque année, en raison de l'inflation et de l'évolution globale de la population, on ajoutait, on multipliait cet état du budget antérieur par un taux directeur défini au niveau régional, et on considère qu'au niveau régional on allait augmenter d'un bloc tous les budgets des hôpitaux sans aller chercher nécessairement à différencier les hôpitaux entre eux. Et donc il y avait un certain nombre de reproches qui étaient formulés à cette méthode. On considérait qu'elle était inflationniste, c'est-à-dire que on considérait que les établissements, dès lors qu'ils avaient la certitude de voir leur budget augmenter, n'allaient pas forcément faire les efforts suffisants pour se conformer aux objectifs nationaux. Et puis, on constatait aussi, c'est ce qu'on invoquait, c'est qu'il y avait un problème d'inégalité entre établissements. Il y en avait qui étaient considérés comme surdotés et puis d'autres sous-dotés. Et enfin, il y a un troisième grand argument qui était invoqué dans les discours publics, c'était cette idée qu'on avait du mal à comparer les établissements entre eux, à la fois les hôpitaux entre eux, mais aussi les hôpitaux avec les cliniques privées. Et donc, il fallait trouver un système qui permette de rendre compte de l'activité de tout le monde, finalement. Et donc c'est ça qu'on a appelé tarification à l'activité. C'est toutes ces procédures par lesquelles on a défini une classification précise de chaque acte de soins qui peut être réalisé dans un établissement. Et on a appelé ça les groupes homogènes de soins. Et donc, comment ça se passe? C'est donc une grille de lecture qui fait que, selon le type de pathologie qui est en cause dans l'hospitalisation, il y a un coût standard des soins qui est calculé en fonction d'une moyenne. Une moyenne sur une cinquantaine d'établissements qui sont considérés comme représentatifs des différents contextes. Et selon cette moyenne, alors comment ça se manifeste? Il y a différentes caractéristiques pour chaque soin. Alors on a la durée moyenne des séjours, l'idée qu'on va recourir ou non à un acte de chirurgie et éventuellement d'autres types d'actes de soins comme des radios ou des soins post-opératoires, etc. Donc en quelque sorte c'est un scénario prévu à l'avance pour chaque déroulement du soin. Et alors c'est une classification très précise puisque actuellement il y en a 2200 donc à chaque révision de cette grille de lecture il y en a encore des centaines qui arrivent pour être toujours plus précis et coller davantage à la réalité de l'activité médicale. Et alors il y a tout un tas d'autres éléments qui sont ajoutés pour saisir la complexité des cas. On prend aussi en compte les âges des gens et les complications éventuelles. Et en plus, une même personne peut entrer dans plusieurs catégories. On va les cumuler. Bon, je ne rentre pas dans les détails, évidemment, de ce système. Mais c'est juste simplement pour en rendre compte. Alors, au regard des discours qui ont mis en œuvre cette réforme, il y a un certain nombre de vertus qui ont été avancées. Il y a d'abord l'idée que il y a un coût réel moyen engagé, c'est ce groupe homogène de soins auquel on a ajouté un tarif moyen, et que finalement ça permet à chaque établissement de prendre en compte ce coût réel moyen comme point de repère de son action. Et donc il va l'idée c'est qu'il va à chaque fois essayer de se conformer à ce coût réel moyen et de faire en sorte de ne pas dépasser par exemple en moyenne la durée des séjours ou de ne pas trop avoir recours à des actes de chirurgie qui ne sont pas prévus au départ par le groupe homogène de soins, etc. Et donc l'idée c'est d'orienter finalement tous les établissements vers cette moyenne d'évaluation. Et puis, évidemment, il y a l'autre vertu, ce qui est de rendre commensurable l'activité des établissements publics et privés, parce qu'on a toujours considéré qu'en fait, ils ne traitaient pas des mêmes pathologies. C'est-à-dire, on dit toujours, à l'hôpital, les pathologies sont plus lourdes, c'est des investissements qui sont à plus long terme, souvent des opérations pas programmées, alors que en clinique, c'est d'autres pathologies, des choses certainement moins graves, qui engagent moins d'investissement au départ, permettent certainement une rentabilité supérieure, mais aussi une sécurité plus grande. Et donc ça permet aussi de rendre justice quelque part à l'établissement public que dans le groupe homogène de soins, de tarifer, de mieux rémunérer finalement les soins qui impliquent des investissements importants. Donc c'est pas que mercantile, évidemment, et on ne peut pas caricaturer à ce point ce mécanisme. Mais ce qui est intéressant pour moi, parce qu'on peut évidemment discuter de la pertinence ou pas du système, mais moi, du point de vue du juriste, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment on a là une norme juridique qui vise à décrire la réalité médicale. Alors, c'est simplement, on ne peut pas dire qu'elle décrit véritablement. En revanche, on peut dire qu'il y a comme un effet de description. Alors, pourquoi elle ne décrit pas? C'est parce que, en réalité, elle adjoint à chaque catégorie un tarif et que ce qu'elle est en train de formuler, c'est de dire... il faut qu'à chaque fois que vous envisagez tel acte de soin, alors vous appliquez tel ou tel tarif. Mais Il n'empêche que quand on rend compte de la classification, on se dit qu'il y a finalement une prédétermination de l'ensemble des possibilités d'actes de soins par les médecins, et que est prédéterminé à l'avance le comportement thérapeutique du médecin. Et donc il y a là comme une action normative qui est implicite dans la comptabilité. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour toutes les comptabilités, peut-être on en discutera tout à l'heure. Mais surtout, là aussi, c'est encore contraire à un élément essentiel du droit de la santé, qui est que normalement, les médecins sont seuls évaluateurs de la situation du patient pour donner, prescrire un acte de soin. Et donc, évidemment, on peut dire que, quoi qu'il arrive, n'importe quelle norme juridique est encadrée par des référentiels de type sociologique, etc. Et donc, que finalement, c'est cette façon d'établir une comptabilité médicale, c'est ne rien faire d'autre que avoir une action normative sur les médecins, que de toute façon, ils subissent sur le plan social. Mais ce qui est là encore relevant pour le juriste, c'est que on a construit des catégories qui explicitement ne formulent pas de spécificité de réalisation, mais en réalité, en les analysant, on se rend compte qu'elles ont été pensées pour ça et que vraisemblablement elles jouent un rôle juridique si on analyse véritablement les modes de réalisation de la norme. Et donc, je verrais ça comme une deuxième modalité possible d'action de régulation par le droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Paul Anthelme de cet exposé minutieux et suggestif des formes qu'on pourrait peut-être dire insidieuses du coup de régulation juridique. La parole est à l'assistance. Lorsqu'est évoqué la question justement de cet objectif de dépense, etc., bien évidemment, la question de savoir quelle est la normativité de cet objectif, ce qu'il signifie vraiment, dans quel cadre est-ce qu'il entre, et finalement pourquoi est-ce qu'il est formulé, se pose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien avec l'idée d'une ancre cognitive, en un sens ? L'idée qu'en fixant un objectif, on fixe une sorte de point de repère pour ensuite réussir à se positionner, formuler une interprétation d'une position. Alors c'est... Mais à ce moment-là, on est, à mon avis, entré plus spécifiquement dans le seul domaine du droit. Ou alors le seul aspect juridique de l'objectif serait simplement qu'il faut formuler un objectif pour essayer de déterminer un budget, et donc à un moment ou à un autre, on doit formuler cet objectif, quitte ensuite à faire des boîtes financières rectificatives, etc. etc. Mm-hmm. Alors, oui. Ça c'est un point qui me paraît assez particulier. Et de la même manière, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, concernant la tarification, l'objectif est le même ? Fixer une sorte d'encre pour les hôpitaux, pour essayer de déterminer le type d'acte à la limite qu'ils devraient faire ou qu'ils pourraient faire. Et j'avais une autre question, mais alors qui sortait davantage sur de simplement la régulation des dépenses de santé. Est-ce qu'il y a des mécanismes de régulation des normes de santé qui sont fondés sur tout simplement la formation du médecin, puisque il me semble que je suis assez surpris de voir qu'en France, par exemple, une fois qu'on est médecin, on est médecin toute sa vie sans avoir à continuer à prouver sa compétence ou à montrer qu'on est toujours compétent. Donc est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs un moyen d'intervenir, d'autant plus que, si j'ai bien compris, les médecins se font ensuite démarcher par des laboratoires pharmaceutique pour qu'on leur vante les mérites de tel ou tel médicament, pour ensuite présenter l'intérêt à le prescrire. Et donc finalement, est-ce qu'il ne serait pas possible d'agir en amont de la dépense, simplement par une meilleure formation ou par une actualisation des compétences des différents médecins? Et est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été créés pour ça? Oui, alors tout à fait. En fait, donc, je vais d'abord traiter ce point-là. On pourrait d'ailleurs ajouter aux normes de régulation, effectivement, ce type de mécanisme. Il y a bien des formes, ce qu'on appelait la formation médicale continue. On a la même chose aussi pour les avocats, avec cette idée que le médecin doit prouver à l'autorité de santé et à l'assurance maladie qu'il suit bien, qu'il va dans des colloques, qu'il se tient au courant, etc. Bon, alors après, la question c'est ça, est-ce que concrètement l'encouragement est suffisant? C'est une question. C'est une question de, à mon avis, politique. Mais en tout cas, on a toute une littérature aussi là-dessus sur la mise en place de ces procédures. Il y a aussi le problème de l'information du médecin par les laboratoires eux-mêmes. Alors là, on a un problème qui est un peu différent, c'est que les laboratoires produisent des médicaments et informent les médecins de l'usage du médicament qu'ils ont produit eux-mêmes. Donc on a là les laboratoires qui énoncent quelque part une référence assez forte à l'attention des médecins qu'ils ne sont pas tenus de suivre, mais on peut dire qu'il y a un effet normatif sur le plan médical assez fort du laboratoire par rapport aux règles d'usage du médicament qu'il produit lui-même. Parce que, évidemment, on pourra reprocher le cas échéant à un médecin de ne pas avoir suivi la posologie qui est fixée par le laboratoire. Donc oui, il y a une double facette de l'action des laboratoires. À la fois, ils informent, parce qu'on peut dire effectivement les gens sont formés pour ça. Bon, alors c'est discuter la formation aussi. Il y a des modèles, des règles, des agréments aussi par rapport aux visiteurs médicaux. C'est beaucoup discuté en ce moment. Mais là, il y a aussi on peut faire des typologies de normes à chaque fois, se poser la question, qu'est-ce qu'on recherche à faire? Et quels moyens on se donne pour que les médecins s'y conforment? Et on peut éventuellement aussi tirer les conséquences des échecs éventuels de la formation médicale continue. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est une règle qui a le mérite d'exister. Enfin, une série de normes juridiques, on va dire. Alors pour ce qui est de l'objectif national des dépenses et puis la tarification à l'activité, est-ce que c'est des normes juridiques qu'on pourrait considérer comme simplement, alors vous avez utilisé l'expression ancre, c'est-à-dire point de repère, donc simplement, pourquoi pas. La question peut-être est aussi de s'interroger sur, alors est-ce que ce ne serait pas une ancre avec un E, c'est-à-dire est-ce que ça ne marque pas aussi les pratiques concrètes? Parce que en fait, alors pour ce qui est de la tarification à l'activité, on va porter attention à ce que les médecins fassent un codage adapté. Alors pour l'instant, il y a des affaires en cours. Est-ce qu'on va pouvoir sanctionner un médecin parce qu'il a fait une erreur dans la saisie informatique du cas? C'est peut-être pas envisageable, mais il n'empêche que oui. Alors on peut considérer que c'est simplement incitatif. Enfin. Mais pour la tarification à l'activité, ça commence à être compliqué parce qu'on a des mécanismes actuels de mise sous tutelle, des choses assez offensives par rapport à la liberté d'un établissement. Enfin, si on peut parler de liberté. Et puis alors, pour l'ONDAM, peut-être davantage, c'est-à-dire l'objectif national, peut-être on peut dire oui, c'est simplement un point de repère et puis ça permettra d'évaluer la politique. Mais la question, c'est là aussi de savoir si dans les décisions administratives qui vont découler de cet objectif, est-ce qu'on ne va pas invoquer aussi cet objectif comme très normatif finalement, à l'échelle d'un établissement de santé, est-ce que le directeur ne va pas dire qu'il faut absolument qu'on converge? Et donc dans ce cas-là, il y a effectivement par rapport à l'objectif, le seul point de repère, il y a un ajout d'une normativité qui est celle d'un responsable administratif d'un établissement, peut-être. Alors est-ce qu'à ce moment on n'aurait pas une perversité dans la logique de la prévision des dépenses de santé, où le simple fait de prévoir peut ensuite servir de justification à la conduite de certaines politiques? Je ne sais pas si c'est une perversité. Parler de perversité, ça impliquerait... C'est-à-dire que la norme n'est plus perçue uniquement comme comme un simple objectif, mais comme un fondement de nouvelles normes. Enfin, je ne sais pas si... Bah, les rapports publics, et puis aussi les énoncés démonstratifs de ces règles, sont parfaitement ambigus là-dessus, et je pense que c'est quand même formulé comme étant des règles, on va dire, dures, entre guillemets, pas simplement... je pense que du point de vue des responsables qui s'en saisissent de cette norme, en fait, ils n'envisagent pas vraiment que ça n'est qu'un objectif simple, évanescent. Ils ont plutôt en tête que il faut à tout prix s'y conformer. Donc, je pense que... Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être perversité, mais je, comme c'est de plus en plus explicitement annoncé, c'est-à-dire par les responsables, dans des textes qu'on peut considérer comme juridiques, que ce soit des rapports publics, des énoncés, des motifs, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment implicite, même si on parle que d'objectifs. En fait, dans le mode de réalisation de la norme, peut-être on peut déceler autre chose que simplement la finalité facultative qui était annoncée au départ. Donc en fait, peut-être que si on analyse les réalisations concrètes de la norme juridique, on en revient à modifier son énoncé, ou en tout cas à reconsidérer son énoncé, et que peut-être ça n'est pas tant que ça un simple objectif, c'est peut-être simplement une norme juridique alors comme une autre, sauf qu'elle énonce une finalité, mais finalement, bon, on peut la rabattre aussi sur une analyse très classique. À ceci près qu'elle n'est pas vraiment susceptible de recours, alors si je comprends bien. Alors, ça, alors à l'heure actuelle, non. Alors, ça dépend où on se place. C'est-à-dire, on peut aussi relever qu'il y a bien des... ces lois-là font bien l'objet de recours parlementaires devant le Conseil constitutionnel et de discuter si chaque objectif, est-ce qu'il est conforme ou non à la liberté, des libertés fondamentales du médecin, etc. Donc on peut relever quelques... Alors ça dépend ce qu'on appelle contentieux. Mais quand je parlais d'application concrète, de réalisation concrète par l'application contentieuse, c'est vrai que je pensais plutôt aux individus eux-mêmes et aux médecins eux-mêmes, concrètement dans leur activité. Est-ce que... Je suis... Bon, c'est la question à se poser. Donc c'est diffusé aux médecins ? C'est diffusé, mais par l'intermédiaire des sous-objectifs et l'idée que, alors à un établissement de santé, on va lui donner un objectif plus précis. Et puis, les soins de ville, pris dans leur globalité, on va dire, voilà, il faut faire en sorte qu'on converge vers cet objectif. Donc, vous, médecin traitant, il va falloir, par exemple, prescrire un peu moins certains... Il va falloir. Pourquoi ? Je n'ai pas de sanction. Mon objectif, c'est j'ai quand même des patients, certains diraient des clients. Mon objectif, c'est de les satisfaire. S'ils veulent plein de médicaments, pourquoi est-ce que je leur en donnerai pas plein ? Alors, c'est effectivement le gros problème. C'est pour ça que j'ai parlé de liberté de prescription. Il y a vraiment une contradiction. Et alors, on voit d'autres... Du coup, on va dire la stratégie du pouvoir, si on veut parler de ça, pour venir à ce que les médecins modifient leur comportement, n'est pas... on va dire, n'est pas très sanctionnatoire. En fait, on passe par d'autres instruments. J'aurais pu parler aussi, comme instrument de régulation, des contrats incitatifs. Alors, vous avez maintenant des types de contrats que l'assurance maladie conclut avec le médecin pour rémunérer davantage son action s'il a fait en sorte d'atteindre les objectifs de santé qu'on lui avait fixés. Donc là, c'est très intéressant. Il y a des contrats qui déterminent, qui analysent l'activité d'un médecin très concrètement, en disant, voilà, vous avez dans votre patientèle 60% de personnes de plus de 60 ans, et alors ces personnes-là, il faut absolument que vous fassiez en sorte que à 70% elles soient vaccinées contre la grippe. Donc vous avez des objectifs comme ça chaque année. Si le médecin réalise son objectif, alors il sera rémunéré. Pour chaque patient, il aura une rémunération de plus. Mais s'il ne réalise pas son objectif, il ne sera pas sanctionné non plus. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'incitation. Ouais, il sera sanctionné puisqu'il ne récupérera pas. On peut, voilà, il manquera une récompense, peut-être. Mais c'est aussi. Là, on peut aussi analyser ça comme une norme juridique de régulation, une tentative d'agir sur le comportement des gens d'une façon, on va dire, atypique par rapport aux règles juridiques. Mais autant dans un hôpital, on peut le comprendre, parce qu'il peut y avoir des mises sous tutelle, il peut y avoir... Donc là, pour le coup, les médecins vont avoir des incitations très claires, parce qu'ils savent que s'ils dépassent, après ce sera un service qui va disparaître, ça va être des lits qui vont fermer, ou des choses comme ça. Mais effectivement, pour le médecin traitant individuel particulier... Alors ce qu'on a relevé, du coup, bah, par rapport à l'application de cette règle, c'est qu'il y a certainement eu... Alors maintenant, c'est assez... contre l'avis des syndicats, massivement les médecins ont conclu ces contrats parce qu'ils se sont rendus compte que bah, c'était évidemment, c'était, ils avaient tout à gagner à les signer, puisque si vous ne réalisez pas l'objectif, c'était pareil. Mais en revanche, bon, ce qui a été critiqué, c'est l'effet d'aubaine. C'est qu'on ne peut pas savoir effectivement si sans ce contrat-là, en fait, comme ce sont des énoncés assez communément admis par les médecins, faire en sorte que les gens se fassent vacciner contre la grippe. Donc, l'efficacité, alors, mais ça, c'est peut-être pas ça relève peut-être pas de l'art du juriste que de savoir si c'était vraiment efficace. Mais en tout cas, on peut analyser ce mode atypique de réalisation qui consiste à payer pour que le médecin modifie son comportement, enfin, payer a posteriori. D'autres questions ou remarques? J'ai une question un peu d'actualité sur la Cour suprême américaine a commencé l'examen de la loi sur la protection des patients et des soins abordables. Indépendamment des questions de constitutionnalité de l'article 1 de la Constitution américaine, de commerce close, etc., qu'est-ce que, du point de vue de la question plus technique des dépenses publiques, le dispositif retenu par cette loi vous inspire? Est-ce que cette manière de cesser de faire porter le poids des dépenses publiques aux assurés eux-mêmes, mais d'en faire porter une partie du coût sur les assurances privées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut sembler rationnel, cohérent du point de vue de notre expérience du héritage de la résistance française, ou En fait, bon, là, pour ce qui est du droit américain, je dois admettre que je ne suis pas très compétent sur le cas concret de ce qui se passe. Enfin, je saurais pas dire. Après, par rapport à l'histoire de la médecine française, ce qu'on appelle la médecine libérale, on peut dire qu'il y a toute une... enfin, chez les médecins, on peut identifier assez clairement tout un récit doctrinal qui consiste à avoir une certaine idée de la façon dont déontologique dont on prend en charge les patients. Et c'est vrai que... alors, on ne peut pas dire non plus que les médecins soient mal rémunérés. Bien qu'il y a des très fortes inégalités, on sait que les pédiatres vont gagner 10 fois moins que les radiologues. Ça c'est, et les médecins généralistes sont en intermédiaire. Mais en tout cas, il y a cette idée que... dans cette doctrine des médecins libéraux français, on ne peut pas assujettir le destin du patient à un quelconque intérêt monétaire. Ça, c'est en théorie. Mais c'est, on va dire... et donc, on peut dire que, oui, par rapport à toutes les politiques de maîtrise des dépenses de santé se heurtent très régulièrement aux pouvoirs syndicaux des médecins. Bon, aussi, pour certainement pour préserver leur pouvoir, on peut envisager les choses de façon très politique de ce point de vue-là, mais aussi pour préserver peut-être cette doctrine qui consiste à faire en sorte que le médecin, pour bien soigner son patient, il ne doit envisager que son patient et pas aucun autre pouvoir. Bon, c'est très théorique, mais n'empêche que c'est véhiculé par les médecins encore actuellement. Personne n'a d'informations sur le système judiciaire américain.